Nous sommes samedi 13 août 2022. Bonjour amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici le sommaire. Le gouvernement du Burundi projette l'autorisation pour d'autres entreprises pour la production des produits stratégiques. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni ce vendredi lors de la présentation des réalisations du gouvernement pour le premier semestre 2020-2022 devant les élus du peuple. À Karoussi, l'hôpital du cinquantenaire de cette province a reçu l'appareil pour l'imagerie par résonance magnétique. Et à Rumonge, le président du comité de sécurité en zone Minago est dans les mains du parquet et son collègue. Ils sont accusés d'avoir une responsabilité dans le vol de mazout rapporté ces derniers jours sur les engins de la société Sogea Satom. Voilà pour les titres. Bienvenue pour les détails. Je vous le disais tantôt, le président du comité mixte de sécurité en zone Minago de la commune et province Rumonge est dans les mains du parquet de la République de Rumonge depuis l'après-midi de ce jeudi. Lui et son collègue au service de l'état civil à Minago en cavale sont accusés d'avoir une grande part de responsabilité dans le vol de mazout rapporté ces derniers jours sur les engins de Sogea Satom à Kibozi sur la colline Minago. Ces deux employés de la commune Rumonge sont provisoirement suspendus de leurs fonctions depuis ce jeudi, selon Jérémy Bizimana, administrateur de la commune Rumonge, n'est-ce pas Jean-Pierre Misago? Bienvenue à Bonimana, agent communal affecté à l'état civil en zone Minago et président du comité mixte de sécurité à Minago a été provisoirement suspendu de ses fonctions d'agent communal puis conduit au cachot du commissariat provincial de police à Rumonge l'après-midi de ce jeudi sur mandat du procureur de la République de Rumonge selon certains des habitants de Minago contactés. Etienne Sindayeboura, collègue de Bienvenue à l'état civil de Minago, en cavale depuis une semaine, a été également suspendu dans ses fonctions d'agent communal. Jérémy Bizimana, administrateur communal de Rumonge, confirme la suspension de ces deux agents qui auraient trempé dans le vol de mazout dernièrement rapporté à Kibozi, site d'extraction de la carrière par l'entreprise Sogea Satom, réhabilitant la route nationale numéro 3, tronçon Rumonge-Gitaza. Selon lui, il ne reste que la décision définitive qui sortira du conseil communal. Ce sont ces deux hommes dont la réarrestation avait été ordonnée par le commissaire provincial de Rumonge après leur libération par un OPJ à Minago sans aucun dossier, alors qu'ils avaient été surpris avec 60 litres de mazout volés à Kibozi. Certains natifs de Minago contactés encouragent le parquet de Rumonge dans ses actions allant dans le sens d'éradiquer ce vol, ternissant l'image de Minago et entravant le développement du Burundi. Environ 400 litres de mazout volés à l'entreprise de Sogea Satom au site Kibozi ont été saisis en zone Minago entre les 2 et 6 août courant. Et à part le seul Bienvenu à Bonimana arrêté, les autres personnes citées dans ce dossier ont pris le large selon l'administration zonale de Minago. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. De Rumonge, rendons-nous à Bourri, toujours au sud du pays où on parle la flambée des prix du pain. Dans cette province, celui qui s'achetait à 1000 francs Burundais s'achète aujourd'hui à 1200 francs. La hausse des prix des produits comme la farine utilisée dans la fabrication du pain est à l'origine. Tout cela suite à la pénurie répétitive du carburant selon les commerçants du chef de la province Bouri. Les consommateurs du pain dans cette province demandent à l'État de trouver solution à cette hausse des prix qui s'observe ces derniers temps. Zénon Nzambimana. Un sachet contenant 6 pains qui s'achetait à 1000 francs burundais s'achète aujourd'hui à 1200 francs burundais chez les détaillants du chef-lieu de la province de Bruli qui vendent un seul pain à 300 francs burundais alors qu'il s'achetait à 200 francs burundais. Ces détaillants disent qu'ils s'approvisionnent aujourd'hui à 1100 francs burundais le même sachet contenant 6 pains. Selon les fabricants du pain à Bruli, la hausse des prix des produits utilisés dans la fabrication du pain depuis 2 mois est à l'origine. Ils donnent l'exemple d'un sac contenant 25 kg de farine qui s'achetait à 65 000 francs burundais s'achète aujourd'hui à 77 000 francs burundais. Un seau d'huile de coton contenant 10 litres qui s'achetait à 65 000 francs burundais s'achète aujourd'hui à un prix variant entre 78 000 et 80 000 francs burundais. 5 litres de coton Golden s'achète aujourd'hui à 53 000 francs burundais alors qu'il s'achetait à 48 000 francs les 2 derniers mois. Sans oublier le sucre qui est introuvable dans les boutiques, car même en cas de sa disponibilité, personne ne reçoit plus d'un kilogramme, ce qui pousse les fabricants du pain à s'en approvisionner au marché noir et aux prix exorbitants. La pénurie répétitive du carburant est la cause première de cette hausse des prix, car le prix de transport des marchandises a été revu également à la hausse jusqu'au double selon certains des commerçants. Les consommateurs du pain et certains des commerçants du chef-lieu de la province de Bruli avec une somme entretenue demandent à l'État de faire tout pour trouver une solution à cette hausse des prix et surtout les prix des denrées alimentaires. Depuis Bruli, Zenon Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zenon Nzambimana. De Bruli, rendons-nous à Bouanza où les éleveurs et fournisseurs de lait de la coopérative mine laiterie de Gihanga se lamentent qu'ils n'ont pas été payés depuis 3 mois et demandent d'être rétablis dans leurs droits. Les responsables de la mini laiterie de cette commune expliquent qu'ils n'ont rien gagné suite aux coupures répétitives du courant et au manque de carburant pour le groupe électrogène. Toutefois, ils promettent à ces éleveurs qu'ils seront bientôt payés, n'est-ce pas, Pescaritas Cabanyan? Ces éleveurs et collecteurs de lait qui ont fourni à crédit du lait à la coopérative mini laiterie de Gihanga dans la province de Bouanza disent qu'ils ne savent plus où donner de la tête puisqu'ils n'ont pas été payés depuis bientôt 3 mois. Ils disent que même leurs ouvriers dans les étables sont mécontents et commencent à abandonner le travail suite à ces arriérés et demandent aux responsables de la mini laiterie de Gihanga de les rétablir dans leurs droits et leur rembourser la totalité de leur argent. Monique Munezero est représentante de la mini laiterie de Gihanga. Elle reconnaît les faits et précise que cette coopérative n'a rien gagné à partir du mois de mai cette année. Les raisons qu'elle avance sont notamment liées aux coupures répétitives du courant électrique, le manque du carburant pour alimenter le groupe électrogène, mais aussi les rumeurs autour de la fièvre de la vallée de Rift qui ont empêché les consommateurs à prendre le relais comme avant. Monique Munezero tranquillise cependant et précise que ses éleveurs seront bientôt rétablis dans leurs droits en totalité de tous les arriérés. Spécialitas Kawanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h05, poursuivons cette édition. 100 millions de dollars américains constituent un don offert par la Banque mondiale au Burundi pour la mise en place de 45 mini-réseaux pouvant produire 37 mégawatts au sein du projet du gouvernement appelé Soleil Nyakiriza. À cet effet, plus de 550 écoles de tout le pays vont bénéficier de cette énergie. Tout cela a été dit par Duma Edouard, responsable de ce projet, lors d'un atelier de 2 jours à l'endroit des responsables du secteur de l'éducation dans la province de Kirundo, Abraham Safari. Comme l'a précisé Juma Edouard, en cadre du ministère de l'Éducation nationale et chargé du suivi de la mise en œuvre du projet Soleil Nyakiriza dans le secteur de l'éducation, 45 mini-réseaux seront éligés dans tout le pays et vont produire 37 MW. À cet effet, 535 écoles seront électrifiées par l'énergie solaire et cela pour des écoles qui n'avaient pas d'électricité. Cette autorité du ministère de l'Éducation signale ensuite que le même projet va construire des foyers améliorés pour 400 écoles fondamentales qui nourrissent des élèves dans le système de cantine scolaire. En outre, 135 écoles fondamentales ainsi que des maisons des particuliers qui seront tout proches de ces mini-réseaux vont également bénéficier de l'énergie solaire et tout cela dans le cadre de la promotion de l'accès à l'énergie électrique et solaire à la population burundaise à travers les communautés et des établissements scolaires. Ce projet va coûter 100 millions de dollars américains en don de la Banque mondiale au Burundi à travers le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, comme cela a été dit dans cet atelier qui a duré 2 jours à l'endroit des responsables de l'éducation dans le but de sensibiliser et mobiliser les cadres du dit ministère sur les objectifs du projet Soleil Nyakiriza. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Le gouvernement burundais compte appuyer les entreprises de produits stratégiques tels que la Brarudi, la Sosumo ainsi que Bousseco par la libéralisation des autres entreprises qui veulent fabriquer ces produits. Lors de la présentation du rapport de réalisation du premier semestre 2021-2022 ce vendredi devant le Parlement, le Premier ministre Alain Guillaume Mignoni reconnaît que la production de ces entreprises est insuffisante. Il a ajouté que le gouvernement penché sur l'exonération de certains produits. Je propose de le suivre. Il est traduit en français par Omer Ndouaï. Le grand problème, c'est que la production ne va pas de pair avec les besoins des Burundais, que ce soit pour la Brarudi, la Sosumo ou même la Bousseco. Quand le sucre est disponible, finit les spéculations. Mais quand le sucre manque, bonjour les spéculations, car la demande est supérieure à l'offre. Quand nous appelons à la multiplication des entreprises de production, nous nous retrouvons avec un besoin élevé du sucre. Ce que nous sommes en train de faire au niveau du gouvernement, c'est que ces produits soient disponibles sur le marché en quantité suffisante. Il y a là des appuis pour que ces entreprises puissent produire beaucoup plus, mais aussi il faut ouvrir les portes pour que ceux qui le peuvent puissent importer ces produits de l'extérieur. Mais il faut également étudier à fond la question, car les prix des produits ont augmenté sur le marché international. Il faut donc que tout soit bien étudié pour faciliter les citoyens par rapport à leur pouvoir d'achat. Il est aussi nécessaire que ces entreprises nous montrent bien leur planification sur comment multiplier la production. Parallèlement, le gouvernement pourrait prévoir la permission des importations ou même des exonérations pour certains produits en provenance de l'étranger. C'était le Premier ministre Alain Guillaume Bougnoni, traduit en français par Omer Ndouaïe. Et pour boucler cette édition, certains malades qui étaient envoyés se faire soigner à l'extérieur du pays pour certaines maladies des organes délicats comme le cerveau et la moelle épinière seront désormais soignés dans le pays. Cela a été rendu possible par la disponibilité dans le pays de l'appareil appelé IRM, imagerie par résonance magnétique, un appareil capable de bien visualiser les cellules de ces organes, appareil installé actuellement à l'hôpital de 3e référence de Karoussi. Cela a été indiqué par la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida lorsqu'elle inaugurait ce jeudi cet appareil à Karoussi. Le point avec Blaise Pascal Kararoumi. Le médecin radiologue Munezero Champion, le médecin aussi qui utilise l'appareil IRM récemment installé à l'hôpital du cinquantenaire au chef-lieu de la province Karoussi, indique que cet appareil est en bon état. Comme le médecin directeur de cet hôpital, Prote Valivalira, l'ont indiqué au ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida ce jeudi, lorsque le ministre inaugurait cet appareil et lançait officiellement les travaux de cet appareil au chef-lieu de la province Karoussi. Aussi dans les enceintes de cet hôpital. Ils indiquent que les essais ont montré que cet appareil est en bon état, expliquant que l'appareil a déjà examiné 5 patients et que les travaux se sont bien déroulés. Lors de ces cérémonies, le ministre de la Santé publique a indiqué que cet appareil va aider les patients qui avaient de telles maladies qui s'attaquent au niveau du cerveau ou bien au niveau de la moelle épinière. Ces patients seront pris en charge dans le pays alors qu'ils étaient envoyés être soignés à l'extérieur du pays. Le ministre demande que cet appareil soit bien gardé tout en signalant que c'est le seul qui se trouve dans tout le pays. Il a indiqué que cet appareil va aussi aider les populations qui viendraient des pays voisins du Burundi. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal Kararumié. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Nelly Kuyangana qui était à la manette du son. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. La fonction publique, accusée de ne pas détenir la technique de calcul des salaires, écrit la voix de l'enseignant. Selon ce journal, citant le ministre des Finances et du Développement économique, les fonctionnaires n'ont pas vu les retombées de l'ordonnance conjointe de déblocage administratif de la carrière parce que le calcul des salaires nécessite une technicité que le Burundi ne dispose pas et que donc on doit faire appel aux techniciens étrangers à travers un marché. Or, ce confrère fait remarquer que ce sont les informaticiens du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi qui font toutes les opérations en rapport avec les paiements des salaires. Seulement, les arriérés vont continuer à s'accumuler car ils étaient attendus depuis le mois de juillet 2021. Emmanuel Machandari, vice-président de la COSESONA, Fédération des syndicats des enseignants au Burundi, toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation, trouve que c'est un prétexte pour ne pas honorer les engagements du président de la République et du gouvernement burundais qui avait promis aux fonctionnaires que la politique salariale sera mise en œuvre en juin 2022. Des familles crient au secours de leurs enfants victimes d'homosexualité, alerte l'agence burundaise de presse. En effet, détaille ce journal, une vingtaine de familles de la localité Kabuyenge, zone d'Emika, de la commune Gisuru, disent que la santé de leurs 12 enfants est en danger après avoir été violée par un infirmier du centre de santé de Kabuyenge. L'accusé se trouve aujourd'hui au cachot de la police au commissariat de Gisuru. Lors de son arrestation, poursuit son confrère, ces 12 petits garçons ayant un âge compris entre 5 et 12 ans ont tout un chacun. Fait savoir que l'accusé les a menés dans une chambre de ce centre de santé, leur donner soit des cannes à sucre, soit différentes sortes de fruits et légumes, avant de les violer par sodomie. Les parents de ces enfants victimes d'homosexualité demandent à l'administration et à la justice de renvoyer cet individu de leur localité et qu'il soit puni conformément à la loi, rapporte l'ABP. Revue de la presse. Magouille au sein de la Fédération du Taekwondo, rapporte le journal Iwachu. Et pour cause, explique ce journal, cette fédération s'est illustrée aux compétitions internationales qui se sont déroulées au mois d'avril et juin 2022 en Corée du Sud. Elle a remporté des médailles, question. Non, répond son confrère. Elle a fait mieux, elle a envoyé en Corée du Sud des compétiteurs qui ne font pas du taekwondo. Récit d'une histoire qui ferait rire si elle n'humiliait pas tout un pays, ironise cet hebdomadaire. En effet, les membres de la délégation burundaise de taekwondo sont donc partis au mois d'avril. Le coach national de la FEBUKA a été remplacé par d'autres personnes non pratiquant du taekwondo. Au mois de juin, une autre délégation est partie en Corée du Sud. Et parmi les taekwondistes figure le trésorier national de la FEBUKA, mais qui s'est envolé pour la Corée du Sud en tant que sportif et avec le neveu du président de la fédération. Pour finir, aucun membre de la Fédération burundaise de taekwondo ne s'est présenté sur le terrain pour les compétitions. Tous se sont volatilisés dans la nature. Le Burundi a perdu par forfait. Le journal Iwachu termine ce récit par là et ajoute que face aux accusations, les explications avancées par le président de la Fédération de Taekwondo ne tiennent pas. Entre-temps, lance cet hebdomadaire, le Burundi risque d'être rayé de la liste des pays compétiteurs. On termine cette revue de presse par Net Presse qui écrit sur la pénurie du carburant qui affecte les médias, notant que la radio-télévision Isanganiro n'a pas émis pendant des heures durant la nuit de jeudi 11 août au matin du vendredi 12 août suite à des coupures intempestives d'électricité et du manque de carburant pour alimenter le groupe électrogène. Des professionnels des médias rencontrés par la rédaction de ce confrère en ligne ont fait savoir que le Conseil national de la communication CNC devrait faire un plaidoyer des médias auprès de la Régie des eaux pour que ces derniers soient placés dans la catégorie des priorités car, privés ou publics, les stations de presse ont une mission avant tout publique. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Odanda Ishimiye et Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.